l'émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Gradure. Passez une bonne soirée, c'est parti pour le Planète Rap, troisième Planète Rap avec Gradure. Comment ça va ce soir? Ouais, ça va, au calme. Voilà, je sens une petite voix épuisée déjà. T'as vu? C'est l'air parisien qui te... Non, même pas, c'est... on fait plein de trucs. Bon, il y a plein de choses en ce moment. Bah, en même temps, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une grosse activité autour de toi. Une grosse activité. Là, il y a le Planète Rap, juste après, il y a les Trace Awards. Exact, donc tu vas faire un live tout à l'heure. Un petit live, ouais, donc ça va être cool. À pas louper tout à l'heure les traces Urban Awards aussi, donc avec Gradure qui sera présent. Bien bon. Et bah bienvenue pour ton Planète Rap cette semaine entre 20 et 21. On fait connaissance avec toi, on découvre un petit peu aussi qui sont les gens autour de toi. Hier on a découvert Chez Gay Squad. Voilà, une partie Chez Gay Squad. Voilà. Plus les gens qui t'entourent. Ouais. Et là ce soir d'autres invités. Ouais, il y a Black Brut. Voilà, qui est là. Black Brut avec qui j'ai fait SMS. Le fameux SMS. Voilà, SMS qui a bien buzzé. Hein. Bonsoir tout le monde. Ça va bien, Black Brut, depuis vendredi. Ouais. Il était là pour la nocturne vendredi. Deux fois en une semaine, j'ai percé ou pas? Bah là, c'est. je sais pas ce qui se passe, Black Brut. T'as vu, c'est grâce à SMS Remix peut-être, on sait peut-être pas. Peut-être aussi, hein, qui sait, ça joue. Ouais, donc on est venu apporter un peu de force au frérot Gradure, qui est en train de tout péter en ce moment. Vous connaissez-vous depuis combien de temps? Écoute, ça doit faire un an à peu près. Un an et demi, t'as vu, moi j'avais justement fait mon morceau SMS et j'avais un remix à faire. Donc je me suis dit qui est-ce que je vais bien pouvoir appeler pour ce remix. J'ai pensé à Gradure parce que voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Il a une énergie, il a un truc. Donc, voilà, toi t'avais vu ses vidéos pareil, t'avais vu. Ouais, sa première. On se parlait un peu sur Twitter. On se parlait, on discutait par téléphone, etc. Et donc voilà, je l'ai appelé, j'ai appelé Cozy, puis je me suis dit les mecs, nous on essaie de faire un gros truc, un gros titre, un gros tube, et on l'a fait. Eh ben carton, c'est quoi? Ouais. Plus de 2 millions de vues, hein, tu me disais. Ouais, je regarde même plus pour te dire, mon gars, t'as 2 millions et des poussières. Donc je suis content parce que c'est un gros morceau et. Et Gradure, il m'a apporté une vraie force dessus. SMS Remix, yes. Bien bon, comme le dit Gradure. Voilà. Bien bon, en léger. Donc Black Brut est là avec nous, et puis il y a son projet aussi qui est dans les bacs. Ouais, dans les bacs depuis le 21 avril, et il y a des choses très très sales qui arrivent dans les mois à venir. Bah, on a et écouté un clip en ligne. On a écouté le fameux Valérie D'Amigos. D'Amigos. Voilà, et la danse de la rafale que j'ai fait en live. Voilà, la danse de la rafale, ouais. Et il y a le clip Zorro qui est en ligne depuis début de la semaine, non, fin de semaine dernière. Donc il est en ligne, vous cliquez en Zorro, YouTube, tous les sites de rap français et tout. Allez suivre monsieur Black Brut. D'ailleurs, la mixtape, elle est dispo ou pas alors? Ouais, elle est dispo, mais elle a déjà pété là. Elle a déjà pété là. Ah, le site a pété là? Ouais, il bug. Le site s'appelle Haute Culture. Haute Culture, voilà. Ouais, comme c'est là où on trouve la mixtape de Gradure, mixtape gratos, hein, voilà, je dis ça. Voilà, mixtape gratuite. Donc allez cliquer quand ça marche, ou alors dans les heures, à mon avis, dans les heures qui viennent, voilà. Ça devrait être bon. Mm-hmm. Autre invité aussi qui est à l'autre bout de la table. C'est Exo, l'ennemi, toujours présent. Lui nous vient du 9-3, Exo, voilà. Ça va bien? Rappeur de Sevran, rappeur de Toki Team. Mm-hmm. Bah, au Gradure, frère, c'est une histoire qui remonte à longtemps. Mm-hmm. Mm-hmm. J'ai fait sa rencontre à Lille, là-bas, on était parti à la base pour un concert. Puis on a fini en after, radio, freestyle, ça a piqué, on s'est reprend. Après, ils nous auront invité là-bas en concert, et puis mm-hmm. Voilà. Une bonne connexion. Bonne connexion. 59 francs. Eh bah bienvenue Exo, ça va, tout se passe bien pour toi? Ouais, ça se passe. Les projets? Ouais, les projets. Projet bouclé déjà. Ça y est, hier ça j'ai arrive. Balancé la cover. Ça arrive ouais, bientôt ça arrive, là. Ça arrive bientôt. J'ai balancé la cover hier. À compter de maintenant là, à l'heure où je vous parle, vous pourrez trouver la tracklist sur internet, sur ma page Facebook. On a lancé aussi les t-shirts et voilà quoi, on bosse. Et bon, on suivra ça. Est-ce qu'il y aura du live ce soir, Radio? Ouais, je pense qu'il y aura un peu de live. Ouais. Il y a quelques kickers, j'ai l'impression. Voilà. Et puis, on va saluer aussi tous ceux qui t'entourent habituellement aussi, qui sont là. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il y a Phelom Zer dans le putain de building. Et enfin, il est venu. Donc voilà, il y a Phelom Zer à côté de moi, il y a Nida. Nida qui est là, qui était là hier aussi. Voilà, il y a Monimex, il y a Shadi, il y a Kayer, il y a Boogs, il y a Ibra. Il y a Syra, et voilà, tout le monde est là. Bon, et ceux qui ont loupé hier, vous avez loupé un gros Planète Rap. Hein. On va réécouter un petit extrait, un court extrait de ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec Gradure, notre invité. Entre 20 et 21, on découvre Gradure sur Skyrock, en pleine forme. Ouais, ça va. Tu as vu, j'ai rejoint le Chez Gay Squad. Au Chez Gay Squad, c'est bien bon. Avec ce joli t-shirt offert hier, merci à vous. Il manque plus que le fit maintenant. Ça arrive, ça. J'ai pas brisé ta carrière qui est bien partie pour l'instant. Ne m'en veux pas, mais je vais peut-être décliner. Hein. parce qu'elle demande l'envie. Est-ce qu'elle est dispo, cette fameuse mixtape gratuite? Non, ça arrive. Ouais, parce que tu sais que moi j'ai eu des tonnes de messages. C'est vrai. Mais quand est-ce que ça arrive? On a été voir sur le site. C'est un site qui s'appelle Haute Culture. H-A-U-T-E. Et culture comme culture, tout simplement. Voilà, tout simplement. .com, donc elle arrive. Ça arrive d'ici ce soir ou demain. Je vais faire découvrir un peu mes potos, mes chéguets. Les chéguets? Ouais, voilà, c'est mon chéguet squad, c'est mon équipe. C'était hier soir dans Planète Rap. Dis-leur, c'est le chéguet squad. On n'est pas tout seul. On peut partir pendant une heure sur les bacs. Ouais. Vu comme tout le monde est chaud ce soir. Ah, ils sont chauds. Radio validée par Skyrock, alors pam pam pam. Planet Rap. Toi, c'est quoi plutôt? Ouais, en studio, t'as besoin d'avoir le son, d'avoir. Dans la voiture, j'ai rien à faire. J'écoute une instru, boum, l'inspi, elle me vient en 15-20 minutes, je finis ça. Et il y a des trucs que tu gardes en mémoire parfois où tu dis. Ouais, parce qu'à un moment j'avais un Blackberry et comme j'ai cassé mon Blackberry avec l'iPhone, c'était difficile. Il y avait tous les morceaux dedans, il y avait tout un album. Voilà, ou quoi? Mais c'est pas grave, l'inspi, elle déborde. Planète Rap. On balance ce son? Vas-y, c'est parfait. Prêt? Ouais, mon fermé, vous êtes là ou quoi? Ouais, 5-9, vous êtes là ou quoi? Aucun respect si tu baves devant la liste. Reste libre quand tu me parles. Si t'es brave, j'serai toujours dispo. J'suis pas obispo, mais j'veux bien ça, c'est ma. Avant qu'on m'assassine, Bibi, ça m'assassine. Cela dans j'en fascine, les petits on les fascine dans ma vue. Planet Rap. Chérie, viens prendre ta photo en léger avec Cheguet. On a relancé la mode des pop en léger. Prends des critiques des footeurs et legs. Ouais, tu parles toujours de la même chose. T'en as pas marre de te répéter. Oui, je parle pas de séquestration ou de meurtre. Moi, je préfère rappeler la vérité. Vas-y, mets ta vie en place, j'en ai marre de branler. Vas-y, mets ta vie en place, j'en ai marre de branler. C'est Skyrock et cette planète rap avec Gradure. Voilà ce qui s'est passé hier soir, ce soir. Donc avec des invités qui sont là, avec Black Brut qui est là, avec XO qui est aussi là autour de voilà. Gradure entre 20 et 21. Et pour bien débuter bon. Ce planète rap bien bon, si on se mettait un petit coup de Cheguet Squad. Cheguet Squad, voilà. C'est parfait, on va mettre ça. Voilà. Grosse dédicace à Ahmed qui est dans le building. Ouais. Si, Kaïbs qui vient d'arriver. Nouveau Roubaix comme d'hab, on n'oublie pas les frères. Nordin, je sais que tu m'écoutes. On est ensemble, mon Cheguet. Brigo, on est ensemble. Il est le gros. Ah, t'oublies pas, frère. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No. Chez Gueux, on arrive de Roubaix pour bézayer. Sur la route, tu peux l'enfer en détail. T'as 35 piges, tu rates pas dans les temps. Non, négro, c'est trop grave. C'est un squad que tu peux parler d'art. Je te rentrerai ma bite et calibre dans ton trou de balle. Bite et calibre dans ton trou de balle. Même tes piles, je sais qu'ils sont pas tailles. Putain, rejoins derrière ma gueule. 9 millimili à droite. Grosse ta sperme à gauche. Forcément, gros, y'a fait l'homme à droite. Tu es le vaisseau plus pire qu'un quad. Forcément, cette salope, elle boite. Entrée, avec mon famage, la droite. Barbeau qui vit dans son QS squat. J'ai pas d'arrêt, on parle pas cru en nous. Dis-leur, c'est le chez Gay Squad. On va vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur, c'est le chez Gay Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur, c'est le chez Gay Squad. Quand je me fais malin, tu t'es retrouvé dans. Dis-leur c'est le Cheguet Squad. Cheguet Squad. Dis-leur c'est le Cheguet Squad. Cheguet Squad. Dis-leur c'est le Cheguet Squad. Cheguet Squad. Dis-leur c'est le Cheguet Squad. Cheguet Squad. Dis-leur c'est le Cheguet Squad. Toujours présent pour les niquer sur le beat. Dis-leur c'est le Cheguet Squad. C'est le Cheguet Squad. Ils veulent tout sucer notre but, on est des killers, on va tout piller des gaz. On va tout piller des gaz. Les négros sont pliés, veulent des billets, donc veut débiter des kilogrammes. Des kilogrammes. Ouais, c'est quoi les bails bâtards? Ta face de la décale où je fais un drame. Bitch, tu kennes ou t'es propre? Tu suces ou tu crottes? T'assumes ou t'as fort? Bitch, Qatar, tu suis ou t'es. tes scores. Les corps tu michetonnes, salope t'es trop conne. Je suis agent, et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, porte mes patins. Et ça je vais les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la brève. Ces bâtards ont parlé, on pas cru en nous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. La monnaie comme un rapide, j'ai caché la beuh dans le futur. T'as rempli. Arrête qui vient pas fumer sur mon paquet. Mais c'est des sons bleus. Bleu, viens de rire, bleu, t'as dit. Ouais, monsieur, dis-leur la peuh, peuh, peuh, sachez. Faux chèque de banque, genre un gamin sous sa chaîne. Baveux, j'reste qui le paquet, c'est parfait. T'es pas prêt, regarde-nous débouler en paquet. Ouais, mon négro, genre de tôle. Ouais, ouais, mon rebut, j'me refais, j'ai la gaule. Me rattache dans la piole. Rafa, si tu me jettes un scroll. Versatier, Versatier, Versatier, c'est pas notre faute. Y'a de la drogue dans des sachets. Ray, où elle est, si par ici, tout s'achète. Ils se rachètent des couilles, c'est pété, faut que vous le sachiez. Tous ces bâtards ont parlé, on pas cru en nous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On va tout brûler, trop de terre, on met des coups. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad, dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad, dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad, dis-leur c'est le Shaggy Squad. Shaggy Squad, dis-leur c'est le Shaggy Squad. Quand une machette à la tourne, vouloir nous tester qui peut. Personne, j'traîne que dans des coins chelous. Où ça pue chiter la beuh. Les négros ont les poches vides. Quand faut couper la voix en deux. Ils veulent faire les super-héros. Shaggy, je vais les mettre hors jeu. Je vais pas dans le ciné, plutôt dans le peurat, ils vont halluciner. Passons dans l'homme au plateau, mieux ce sera le kiné. Squad, squad, squad. Putain, je rallie, direction Berlin. Je pilote sans permis. A80, je suis à Savigny. Sec Daddy, big up à Cochin. If she ain't fucking, she got to go. Yeah. Tell her don't waste on my time. Ça, Cliff, mon égo. Search my clothes. Cliff, on est ensemble. On dédicace à Charlie, Kadhafi, Issa, Mistamo, Mamoudou, Khalid El Badawi, on est ensemble. Les petits frérots, c'est pareil, on est ensemble. Tous les airs, on est ensemble. Et le code romain, Samir, la famille. Brandon, Steven, tu connais les frérots. Kader Koulmi, Rohan, on est ensemble, frérot. Zakaï, ça bouge pas. Force à vous, les gars. Acide, Oni, chez tu m'entends. Bang. Le Shaggy Squad à l'instant. Hier, on avait une partie du Shaggy Squad. Ils sont de retour aussi, d'ailleurs, ouais, ce soir. Ils sont tous là, ils sont tous là. Entre 20 et 21 dans Planet Rap. Consacré à Gradure. D'ailleurs, est-ce que on en a parlé un petit peu depuis le début de semaine. C'est vrai que toi, le rap est arrivé un petit peu comme ça. Tu le faisais par passion avant tout. Est-ce que là maintenant tu commences à avoir une vision de ta carrière, je sais pas, mais au moins des prochaines années? Est-ce que ce sera plutôt déjà rapper, ensuite produire d'autres personnes? C'est Déjà je vais faire croquer tout ce que je peux faire croquer. Donc mon Shaggy Squad, les mecs de mon quartier, de M, de Schweitzer. Déjà dans la mixtape, j'ai mis plein de gens. J'ai mis Malakai, j'ai mis Bilon, j'ai mis Skizidi, j'ai mis ISCO, j'ai mis MCG, j'ai mis tout Bronx, j'ai mis tout le monde, j'ai mis Kinch, j'ai mis tout le monde dans la mixtape, tu vois, parce qu'en fait. La mixtape qui est dispo uniquement sur voilà, le site. Voilà, qui est dispo, voilà. Bon, le site a bugué, site, mais ça va revenir. Ouais, ça va revenir. A priori, c'est un véritable carton dès le début. Voilà, comme je t'ai dit, Fred, le plus important, c'est de faire monter le 5-9, donc. Là c'est une mixtape gratuite, j'ai eu l'occasion de mettre tout le monde, j'ai mis quasiment tout ce que je pouvais mettre. Tout ce que je pouvais mettre. Mais donc sinon sur les prochaines années c'est comme sortir des albums pour toi? Non, le prochain c'est pour moi. L'homme au bob. Voilà, l'homme au bob qui va être très très lourd avec des gros featuring, des gros sons. Et il y aura de la surprise aussi. Bah, des surprises et puis voilà, donc d'autres projets aussi. Voilà. C'est quoi, t'as monté aussi une structure ou... Je suis en train de la monter là. Ou c'est pas encore d'actualité? Je suis en train de la monter doucement. Ça prend un peu de temps, c'est de la paperasse. Mais ça risque d'arriver. Déjà là, tu peux bien voir le Shaggy Squad. Donc on va essayer de les faire grimper au maximum. Au maximum. Et puis il y a des titres, on le disait, que ce soit pour Nida qui est là. Il y a Nida qui a fait des sons, qui a des sons encore qui arrivent. Il y a Bra Bra. il y a Caïbs, il y en a plein encore. Donc si vous cliquez, vous trouvez des sons un peu. Voilà, peu, je vais tout, je vais tous les sons qu'ils ont sortis et les nouveaux, ils vont, je vais tout remettre sur ma page. Donc allez sur la page Gradio G, ça bouge pas. Gradure avec le hashtag Gradure sur Skyrock. Il y a XO qui est là aussi avec voilà, nous ce soir. Black Brut, Vranceux, voilà, qui font aussi partie des gens qui sont en train de d'émerger au, voilà, autour desquels il y a du bruit en ce moment. Voilà, il y a du bruit et c'est bien. Ça fait plaisir de voir que les frères aussi sont là. Ils prennent leur envol et ils font les choses bien comme il faut. Du côté d'XO ou du côté de Black Brut ou du côté de tous les mecs avec qui j'ai rappé. Grosse force à Pepperos qui est en prison là, qui m'écoute, avec qui j'ai fait un gros son. La Cosa Nostra, là, ça bouge pas. XO, d'ailleurs, il y a le projet qui arrive, hein, c'est dans quelques semaines maintenant. Quelques semaines, ouais, on va dire ça. Il n'y a pas de date fixe en fait. On attend un peu pour voir ce qui se passe, voir comment ça se passe, prendre la température. Et on peut trouver déjà des sons inédits ou pas? Il y a des choses qui arrivent là? Si, beaucoup de sons inédits. Il y a plus de sons, je pense qu'il y aura des sons que les gens ne m'attendent pas dessus. J'ai bossé avec beaucoup de beatmakers. Je suis entouré de Trams, de Bounia, Woukoup et son équipe. C'est vraiment. La plupart font partie que de ma génération. C'est un travail qu'on a fait avec toute l'équipe. Voilà quoi. Mais comment d'ailleurs, tiens, toi, XO, tu juges justement le bruit qu'il y a autour de Gradure, tout cet engouement qui est autour de Gradure, c'est quelque sale. Chose. C'est sale et c'est propre. Mais que t'as senti aussi monter? T'as senti aussi monter? Tu sentais qu'il y avait un truc? Nous, on l'a senti, c'était au feeling. Quand on a fait On n'est pas tout seul au studio, on l'a senti que ce morceau, il allait créer un truc. Il allait tout péter. Il allait créer un truc, une hymne, un délire. On n'est pas tout seul, tout le monde le chante. Il se retrouve jusque dans les vestiaires du PSG. C'est ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il arrive en Champions League. Voilà quoi. Ça montre que. C'est l'hymne de la rue. Voilà, l'hymne de la rue. Deux mecs de la même génération. Voilà. Ils ont apporté un délire dans ce rap. Voilà. C'est bien bon. La plupart des mecs avec qui je rappe, on a tous la vingtaine. On a tous faim, que ce soit du côté de Black Brut, de Nida, tous la vingtaine. J'allais dire, autre hymne de la rue, c'est le SMS Remix hein, ouais, qui a été fait avec très, très Toi, c'est un truc que t'as senti aussi monter, Black Brut? Ouais, pareil, je l'ai senti. T'as vu, il y a mon frérot derrière moi qui est là, Monsieur X. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai un délire en tête et tout. Au début, il était un peu réticent, hein, quoi, sous ma semelle et tout. Mais ouais, je l'ai senti, franchement, j'ai senti pareil au studio. J'ai dit à Gradure, je dis, franchement, ce morceau-là, ça va être un tube. Et grosse dédicace à Joe Watt, le beatmaker qui a fait la prod, très fort. Et dédicace aussi à Brahms, dont on parlait tout à l'heure, XO. Brahms, qui a produit la quasi-totalité de mon album, bon, la moitié. Ouais, je suis tombé sur lui en fait. Et ton album qui est dispo, hein, on peut télécharger, on peut aller cliquer. Ouais, j'ai entendu XO que vous voulez récupérer mon petit là. Déjà, il m'a appelé hier. Non, il a appelé mon frérot hier. Ouais, il y a XO qui j'ai dit bon. Non, calme. Il m'a envoyé un missile, je vais le dire. Non, mais il m'a envoyé un bon délire. Grosse dédicace à Brahms. Joa Tezeque Ramos, c'est le mec avec qui je bosse au niveau des prods. Et qui a bossé sur l'album. Toi, voilà. Les prochaines sorties, c'est quoi alors? Écoute, moi, j'ai pas de date, hein, c'est pareil, j'ai pas de date. Mais les inédits, on peut les trouver, par exemple, le Valérie Damidos. Alors, Valérie Damigos, je vais le mettre en ligne dans pas longtemps, là. Je pense la semaine prochaine. Après, au niveau des dates, j'ai pas encore de date. Je bosse sur mon album et j'ai une mixtape qui va arriver entre temps. Mixtape improviste, voilà. C'est une mixtape un peu, on va dire, rétro. Parce que j'ai beaucoup de morceaux que j'ai pas sortis. Et au lieu de les jeter à la poubelle, il y a mon ingé à Renault, dédicace à lui, qui m'a dit, mec, tu devrais faire une mixtape et tout. Donc elle va arriver bientôt aussi. À suivre avec Gradure sur Skyrock. Richie, dédicace à Richie SP. Il y a un brouillard nordiste. Je dis ça pour les gens qui sont en train de nous mener en Rhône. Le Nord aussi, la Bonne Nord est là aussi. Ouais, c'est ça, ouais, nordiste qui vient, qui vient du 9-3 jusque M. Roubaix. Voilà. Je sais que. Non, je dis ça pour les gens qui sont en train de mater la vidéo sur Skyrock FM. Ne vous inquiétez pas. Ne réglez pas l'ordi, le portable. Tout est normal. Tout est normal ici. Un brouillard. Il y a un petit brouillard qui s'est installé. C'est un nuage comme ça qu'on trouve souvent, c'est comme ça. Voilà. Gradure sur Skyrock, le hashtag, vous balancez au message. On écoute quoi, le escort maintenant? Tu m'entends? Vas-y, on va faire Chegué 5. Escort. Escort, c'est le Chegué 5. Voilà. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant. C'est extrait de la mixtape qui est dispo gratos. Voilà, Chegué Vara. Force à mon quartier, Schweitzer. Tous les frères enfermés. De frêne à ce que d'un, à Melun. Partout. Pas le frère. Je sais que vous écoutez. Force à vous, mes chéquets. Le Camos est là, oui. Grosse pensée à mon ami et driver. Tu fais la meuf clean, il sort pas dans les chichots. J'ai le verge, car tu t'es prise dans le cul et pas la teucha. Non, pétasse, crois pas que tu vas nous. Ice Movie, on est ensemble. Garde tes prises dans le cul et pas la techa. Non, non, pétasse, crois pas que tu vas nous bluffer. J'te la mets, j'veux partir, rien qu'avant le réveil, j'suis le refait. Le dogging dans ma caisse, tu mérites pas le tello. Pizza, pas de resto, cousine, gradonatello. Chegué, c'est ta meuf, qu'est-ce qu'elle a un gros cul. Non mais sérieux, c'est ta meuf, oh qu'est-ce qu'il est coquille. Elle me donne son gros boule en échange des dernières loulous. T'as beau être bœuf, elle te plaquera comme Jonah Lumu. Elle a les formes, les fesses de Nicky, pire qu'une danseuse coco. Elle te suce ta bite, ton fric, ton buzz et même ton coco. Merde, y'a plus rien. Elle te fait mécra tout ton bénéf de la bibi. Tu repenses à elle seule dans un bar avec ta bibi. J'suis pas ton mec, ton pote, à vrai dire pas ton mari. Si j'dis je t'aime, c'est juste pour Ken Barbie, j'vais carrer. Y'a pas plus brut, plus cru, plus trap, plus crade, plus dit que ça. Depuis 8 mois, j'bois ta chatte, du game avec du mixage, répète. Y'a pas plus cru, plus crade, plus jeune, plus trap, plus dit que ça. Depuis 8 mois, j'bois ta chatte, de tes rappeurs avec du mixage. Ah. Grosse dédicace, dit que ça va, ah ouais. Yako, on est ensemble, ah. Chegué, force en vous. T'as cru que t'allais la mettre au gradio, hein? Ensemble. Je te l'ai dit il y a une semaine. Fuck love. Je répète, fuck love. Tu fais la magie qui sort pas dans les chichas. Tout le monde, elle vierge. Car tu t'es prise dans le cul et pas la déjà. Non, non, pétasse. Crois pas que tu vas nous bluffer. Je te la mets, je veux partir. Avant le réveil, je suis refait. Tu fais la meuf qui sort pas dans les chichas. J'l'aime, vierge, car tu t'es prise dans le cul et pas la techa. Non, non, pétasse, crois pas que tu vas nous bluffer. Groupe Pierre, tu veux bien j'y suis. Omar, Baba, Kofi, Donia, Chartin. On en lien, en léger. Kilomètre, Chegué. Hey, yes, on en sent mon Chegué. Force 5-9. Le Chegué 5 à l'instant escorte Gradure sur Skyrock en pleine forme, hein, bien bon sur ce morceau. Si, c'est du lourd ça. Est-ce que justement, parce que c'est vrai que évidemment quand on parle de rap de rue comme le vôtre et tout, est-ce que toi il y a des textes où tu t'auto-censures ou alors j'ai pas l'impression quand on écoute le Chegué 5, mais est-ce qu'il y a des moments où t'as envie d'aller voilà plus loin et tu dis bon il faut quand même que je fasse gaffe, il faut. Non, c'est vraiment au feeling. C'est au feeling, si je dois dire des gros mots, je dis des gros mots. Tu vois? Ouais, c'est pas un truc qui dans l'écriture où tu vas te censurer ou non. Même sur l'album là, c'est pas un truc. Si ça dépend des sons. Voilà. Ça dépend des sons. Il y a des sons où tu dois faire des sons à thème un peu. Parce qu'il y a aussi une différence entre mixtape où voilà où il y a un grand défouloir où tu peux tout lâcher sur certains textes. Voilà. Et puis faire un album où il y a une espèce de cohérence à tenir entre les morceaux aussi. Voilà. Il faut une certaine cohérence entre les morceaux. Si c'est un son à thème où tu parles de ta vie, tu vas pas être vulgaire. Tu vois. Ça c'est ce qu'on retrouvera sur l'album justement d'Homme au Bob. Non franchement dans l'album c'est pour ça que je donne la mixtape. Comme ça, vous allez voir la différence entre l'album et la mixtape. Vous aussi, que ce soit XO ou Black Brut, pareil sur les textes, il y a des trucs auxquels vous faites gaffe quand vous sortez différents projets ou... Ouais, bien sûr. Après, comme il a dit, c'est au feeling. Moi, je peux pas écrire un morceau pour faire plaisir aux gens. Voilà. Dire, XO, il nous faut du sensé, XO, il nous faut de la... Non, c'est au feeling, frère. Je peux pas faire ça comme ça. Ça marche toujours comme ça. Par exemple, dans mon projet que j'ai fait, il y a un morceau que j'ai fait sur l'Afrique. Que je compte tourner en Afrique là-bas. C'est vraiment un morceau qui me touche, qui me tient à cœur. Qui est lié aux origines, culture. Voilà, ma culture en fait. Ça parle un peu de tout ce qui s'est passé entre les tirailleurs, la France. Voilà quoi. C'est ce devoir de mémoire qui est peut-être pas tout le temps fait d'ailleurs. C'est plus un devoir de mémoire, mais dans le concept où je me dévoile un peu aussi. Je parle un peu de ma famille, je parle un peu de ce qui se passe. Donc oui, là forcément, tu vas faire attention à ce que tu écris. Voilà, c'est ça. C'est un morceau qui arrive bientôt. En fait, plus c'est sur une prod de thérapie qui a participé aussi au projet. Voilà quoi. Black Brut, tu voulais ajouter quelque chose? Pareil pour moi, c'est au feeling. C'est au feeling. Après, oui, il y a des morceaux. Sur les morceaux Ego Trip, je cherche pas trop à calculer. Tu vois, j'y vais. T'aimes les gros mots, t'aimes pas, ça j'en ai rien à foutre. Je dis ce que j'ai envie de dire. Après, oui, comme disait XO, il y a certains morceaux où tu prends la peine de faire attention un peu à ce que tu dis. Parce que tu sais qu'il va être écouté par telle ou telle personne, mais c'est sans calcul. Moi, dans la musique, avant de plaire au public, j'ai envie de me plaire à moi-même. Quand j'écoute mon album, j'ai envie de me faire kiffer. Parce que si tu sors un album et que tu kiffes pas ton album, ça sert à rien de sortir. C'est tout à fait ça. Donc, voilà. Black Brut est là avec nous aussi, XO. On vous écoutera en live dans quelques minutes. Bah, écoute, apparemment. Yes. Gradure. Qu'est-ce qu'on fait après la pub? On met un petit Chegué 8 aussi de prévu ou... Ouais, un petit Chegué 8, non. Bras, tu veux. T'es chaud ou t'es pas chaud? Après, d'accord, on va mettre Chegué 8 alors. Donc Chegué 8 dans un instant après la pub avec Gradure, notre invité. Bougez pas, on revient après ça. Comme toi, Gradure a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h, 21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Gradure sur Skyrock toute la semaine entre 20 et 21. Bien bon, Fred. Bien bon. Entre 20 et 21 dans le Planet Rap. Mm-hmm. Avec ce soir du live, on va attaquer le live là dans quelques minutes. Mm-hmm. Juste avant, est-ce qu'on se remettrait pas un petit Chegué? T'as Chegué 8? Mais quel numéro? Ah bah voilà, j'allais dire quel numéro? Ouais, le 8. Vas-y, c'est parti. Chegué 8, freestyle par téléphone pour choper le jeu NBA 2K15. Et puis après, il y a du live dans Planet Rap. J'arrive dans le game en TI et toute la concurrence je la baisse. On est pas tous un juif venu avec mon galop, c'est du 93X. Des balles sur des cibles, crache ma haine sur un beat. Moi j'aboie comme un pin et ta gomme suce la bite. Dans le secteur j'habite, si je continue, frère de ce qu'elle me demandera en fuite. Tout est rappeur, je les baise, y'a mon sperme sur leur fesse. Et leur beau dans ma caisse, et mon son dans leur tête. Le 5-9 est cool, la drogue et les armes aussi vite que dans le 13. Rapper pour moi c'est trop facile. Faites de retour comme des fossiles. Mais le buzz ça casse les couilles. Tous les rappeurs et groupies. Et putain de lèche qui me fatigue. C'est quoi qui t'intéresse chérie? C'est ma bite ou mon buzz? Mon shit ou ma buzz? J'crois que cette salope elle veut un putain de feat avec ma gueule. J'prends des photos avec mes fans. Elle kifferait que je la prenne dans le vent en bécane. J'ai mis le casque et mon gilet sur mon spook. Là j'ai balle dans son trou. Elle kiffe quand ça rafale. J'en avec des légionnaires à fouteux. Les salopes du rap qu'elles m'en foutent. Des hypocrites qui font trop dans la frite. Ne fais pas avoir cher, ils ont même pas de frites. Mes chégués sont balèzes. Comme gros sang, dédicace à son gros. Des gros seins, des purs seins. Putain les négros ont chum à chaque fois qu'ils vont voir une femme. Y'a mon pop en fond d'écran. Ces bâtards me jalousent. Mais faut que j'accélère comme Serge Aurier à Toulouse. Prochain Eden, j'file à l'anglaise. Oui de l'anglais, j'suis meilleur, y'a pas ça. Donne-moi le succès, je ramène mes bouquins. On connaît leur passé, revenez, c'est des bouquins. Dans les petits, croyez pas que je suis un gangster. Mais contrairement à eux, je sais quand il faut se taire. T'es trop maigrichon, même si tu prends de la beuh ou de la coke. Je voulais juste savoir parce que t'es galbé comme un putain de trave à Bangkok. Je touche du bois, j'ai pas connu la prison. Mais si t'insultes maman dans un son, je prends 10 ans. Je touche du bois, j'ai pas connu la prison. Mais si t'insultes maman dans un son, je prends 10 ans. Planète Rap, on fait un bordel. Aïe aïe aïe, Chegué Squad, mon pote. Chegué, Chegué. J'ai pris ton flow, ouais. Les mecs du bureau. Chegué du bureau, c'est mes mecs du bureau. Bah ouais, Chegué. Bien bon, je détends. Jamais vécu du rap. Solo le mic, chez tu m'entends. Karim, Youssef Vara. On est ensemble, qui fort. Ça bouge pas, on est brisé. Eh, reviens. Yannick. Bichou, on est ensemble. Écoute la ligue, c'est bien. On attend championnat en léger. Nous écoute. NT, on est ensemble. Le René, on est ensemble, Chegué. Serge Aurier, je suis avec ton frelon, y'a rien. Bientôt les cigarettes électroniques Chegué Squad disponibles. Et ouais, je donnerai le lien. C'est lourd ou pas? Schweitzer, le nouveau roumé. Ils sont toujours là depuis le début. Je t'en ramènerai une, Fred. À l'instant, Chegué 8. Chegué, Chegué, bienvenue dans le Planet Rap de Gradure. C'est vrai que j'étais en train de dire, je croyais que c'était pour m'entraîner à faire des pecs et à faire du développé couché, mais non, c'est une chicha électronique. Voilà, c'est une chicha électronique Chegué Squad. Chegué Squad que vous pouvez mater si vous avez l'appli voilà. Skyrock. Mm-hmm. Sur skyrock.fm avec Gradure, notre invité toute la semaine. On va attaquer le live dans quelques minutes avec vous, avec XO qui est là, avec Black Brut qui est là aussi avec nous, entre 20 et 21, et RDP de Paris par téléphone. Salut RDP. Ouais. Ça va bien RDP? On est là au cas. Je te présente un peu les invités, un peu tout le monde. Malakai dans le studio de Planet Rap. RDP, tu viens rapper, c'est l'heure du freestyle par téléphone. Ouais. Et bon, t'écoute mon pote, c'est parti. Vas-y ma gueule, balance un instru de Snoop sur le jeu NBA 2K15, c'est ce que t'as choisi. Ah. LLP Music m'emmène. C'est pour mes gars, Paris 13, tu connais la zone. Eh, eh. Parfait. Ouais, je gradure, c'est comment les boys. Eh, eh. Parfait. Bien bon, mon Chégué, on est ensemble. Eh, eh. Pas de big, y'a pas mes gars. Je vois que ton équipe s'égare, on fait des sous, tu fais du sgar. Des brouillards à la mort, nous pour la mi-fond, on se lève. Que des bras cassés dans ta team, je vois qu'ils font se lève. Naki, tu vas craquer, braquer. Tu savais plus comment t'allais raquer. Moi, il faut du business, arrondir les fins de moi. Même si dans ta tristesse, ça me faisait fin de moi. Eh, c'est tes enveux sur le deck. Je ça gonfler mon compte en banque, que de gonfler mes pecs. Eh, check l'épaule pour mes gavois. Non, c'est pas à l'école, Naki, que j'ai trouvé ma voix. Jogo dans la street, pas les couilles de plaire aux dames. On veut faire du bif, finir poser plein aux as. L'un fils des deux filles, sort près du dessus. Du clos, du le si, j'suis pas dans les bustus. J'suis dans ma web, j'suis dans mon lyre. J'écris des textes, j'ai v'là les idées. On vit nos vies, calcule pas la tienne. On prend des sous, toi tu prends des ailes. Et pour la MIF, on va militer. Faut que ça l'air à Diego Milito. Tu t'actives comme un militaire. T'auras deux mères sous la route du Vito. Ok, RDP à l'instant, freestyle. Tu repars avec le jeu NBA 2K15, le maillot Adidas NBA. C'est pour ton. On t'envoie ça, vas-y, vas-y, RDP. Vas-y, dédicace à mon Paris 13, à mes gars de Nantes, à mon gars Ossé, mon gars sûr qui est là depuis le début, à tous mes Gava, Idinino, Théo, Salah, Trésor, Mohand, Egocracy, la nouvelle marque qui va faire mal, mon gars Kunta, j'oublie des blagues, comment Calcène, mon gars Pimpinati, tu connais, on est là au calme, et big up à tous les gars du quartier, 13ème zoo, on est là, ma gueule. Merci à toi, RDP, à l'instant, freestyle dans Planète Rap, le jeu NBA 2K15 est à choper. Et puis je rappelle que la semaine prochaine, on mettra sur le blog de Planète Rap les différents freestyles qui sont passés, vous pourrez voter pour eux et l'un repartira avec la PS4 qu'on lui enverra. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant, Black Brut? Toujours prêt. Radure. Toujours prêt, mon Exo aussi. C'est Roubaix, c'est Corbeil. On attaque par quoi? Par le SMS? Ouais, SMS. Sous ma semelle. Eh, vous connaissez sous ma semelle ou pas? Ouais. Ouais. Vous connaissez sous ma semelle ou pas derrière? Ouais. Eh, faut leur montrer là, Skyrock, comment on fait ça. Villepinte, vous m'écoutez? YSF. Cru, Cheikh Ahmed. Tout le monde, tous mes Cheikhs. Black D. Chez qui l'envoie? Marco Dingue. HEM. Sous ma semelle. Eh ou? Banakini. Eh? Mon poto. Tomonani. Sous ma semelle. Sous ma semelle. Eh, vous connaissez couplé ou pas derrière? Ok, je vous entends avec sous ma semelle. Ok. Félom, t'es là? Chégué. C'est pas avec Félom Zer dans le putain de building. Rafale ta mère sur ton cul, flasse comme du booty. Mais chez Gégour après pourtant ils font pas de footing. Et les balles te rattrapent aussi vite que ton passé de victime. Yuma, Yuma. On connaît tous tes vices, enculé, fais pas blernie. T'as gonflé, tu te sens balé, je vais faire péter l'hernie. Cuisine pas avec ces PD, je suis pas Thierry Lhermitte. Non, non, je cuisine 243 kilos de pont d'où mon ethnie. Chez que je te donne mon flow, mais je te donnerai pas mon flash. T'automatique, tu crachais plus vite que Gordon Flash. Y'a que les gays et les salopes qui partent trop sur gradure. Gradure, gradure, si c'est ton cas, nique ta mère, putain de salope. Rafale le game en tout fait. Bouche MC, ouais, je les baise dans le vrai. Ramène-moi négro, ouais, s'il y a de la pute. Coupe la détail, là, si c'est de la pure. Bah ouais, c'est de la pure. Deuxième black brut, que des négros fâchés, ouais, c'est la hure. Bah ouais, que ça brûle, ça pisse dans les urnes. Qui chasse un Chicago, aime ses gratures. Putain, ils ont voulu cracher, mais ils finiront sous ma semelle. Brrr, sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Brrr, brrr. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Brrr, le premier qui bouge, je allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Brrr, brrr. Ils ont voulu clasher, mais ils finiront sous ma semelle. Brrr, brrr. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Schweitzer. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, je allume sa mère sans sommation. Un, deux, trois soleils. Non, non, Cosy, attends, n'enlève pas les poids, il me reste encore trois séries. Maman, comment faire confiance aux fans? Heureusement qu'il me reste encore trois chéris. Rap, musique, rap, fusil, j'en fais la guerre avec mes poings. On pose entre hommes, non, je mélange pas avec les choix. Tu l'auras proposé dans la semaine. Tu resteras un rappeur du dimanche. Radure, dealer, qu'on en met la pression juste avant que t'apprends des petites doses. Je pose avec mon âme, mon chégué. Quand j'étais pieds jaunes, c'est pour Bernadette. Avec tout faux sens sur le chéquier. Je ne veux pas être le prochain rappeur qui perd la tête. Qu'est-ce qui cherche à concurrencer? Eh, viens là-bas sauver la maladie. Viens sous ma semelle, c'est sous ma journal 11 que tu vas finir ta balade. Finir ta balade. Vos avis, vos critiques, vos blabla, foutez-les-vous bien dans vos rêves. La plupart des rappeurs te sucent depuis que Cop t'a validé. Ben bravo, ma reine. Au passage, tu m'as fait tout à la Joko. Je pensais voir une belle tismène dans un nœud pas la Kichoko. Attends, c'est quoi le délire? Serait tu as honte de ta peau? Sonny, Sonny, je crois que te l'éclaircir te fera avoir moins de râteaux. Ils ont voulu cracher, mais ils finiront sous ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, tu allumes sa mère sans se rassurer. Un, deux, trois soleils. Ils ont voulu cracher, mais ils sont faibles comme ma semelle. Ma semelle. Sur moi, t'as voulu cracher, mais tu finiras sous ma semelle. Ils ont voulu rapper, mais ils sont faibles comme des femelles. Le premier qui bouge, j'y allume sa mère sans sommation. Encore un Z de plus qui met son grain de sel dans le mât des sous. C'est sous l'eau semelle que tu finiras si tu me dois des sous. Chasse. Encore un Z de plus qui met son grain de sel dans le mât des sous. C'est sous l'eau semelle que tu finiras si tu me dois des sous. Tout le monde, tout le monde, sous ma semelle. Tout le monde, tu prends Skyrock. Tu finiras sous ma semelle. Planète, voici. Tu finiras sous ma semelle. Fredo aussi. Non, tu finiras sous ma semelle. Corbeil 91. Ouais. ISF. Impressionnant sans forcer. Oh, une grosse dédicace à Joe Watt. Bien bon. Joe Watt à la prod. Ok. À l'instant, le live, le SMS remix. On salue Cozy d'ailleurs qui est présent sur les images. On peut mettre le clip Black Brut avec Gradure. On peut faire du bruit ici ou quoi là? On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors est-ce qu'on attaque la suite du live? Escobar Maxon. C'est Brabosa. Il est bangaté. Ouais. Jamdi. DJ Jamdi. Live de Brabant aussi. Crise criminelle. Cru. Cheikh Ahmed. Yeah. Le Planète Rap consacré à Gradure sur Skyrock entre 20 et 21 avec Black Brut à l'instant et le morceau SMS. Ahmed, XO et Brabra qui nous vient du 9-3, on le disait hier. On va lui filer le casque. Et c'est parti pour le live maintenant dans Planète Rap. Brabra après. Ouais. Eh ben on y va. Infamé 9-3 59 Sevran. Tout le monde est là ou quoi? On est là. Ouais. C'est droit, les R. Ouais. J'ai tout coupé comme mon broli. Gratata baston sans chromie. Comme ici je n'ai trop mis, il serait temps d'appeler la police. Posé dans sa bolide, teinté, je les guette dans ma caisse, négro y'a leur colis. Elle empêche la bêche d'aller, c'est fait des mongoleries, raconte des conneries. On sait que tu bouffes des skanks pour un feat, appareil avec sa kika. Y'a l'équipe et du shit, ça t'intrigue, vas-y, flippe hein. Y'a Paris, si drogue, la rue est bloquée, bloquée. Y'a quelques produits à troquer, croquer dans tout ce qui rapporte la monnaie. Vas-y, roule un doré, y'a du Jack si tu veux picoler. Biat, tu t'es bien gaulé, monte dans la benne, ça va bien rigoler. Dans ce rap des draps, faut bricoler, tu sais, t'inquiète pas, tout le monde va s'y voler. Monopole, Gucci parfumé, gage de cash mis de côté. Cessez faire les six gros, tu sais, on sait que c'est pas vos berlines dans les petits imbéciles, il faut pas stresser. Négro, on va tester pour devenir chérie. Bah oui, ma chérie, monte sur Beris. C'est bien moi que t'as vu faire du sacré bac. J'ai la barre, je lui serre, j'en ai marre, je me casse, mais au fond, c'est devenu banal. Qu'est pas ça, Wendo qui qu'est pas ça. On est venu raffoler la monnaie, mais comme les sales dans ta brasse. Qu'est pas ça, ouais, mon du bouc, qu'est pas ça. Mon délai, on arrive, on est passage, appelez l'Embila, y'a le feu dans la plaza. Qu'est c'est pas ça. Ouais, Chegué, c'est pas ça. On est venu raffoler la monnaie, mais comme les soldats à Gaza. C'est pas ça. Ouais, Mundibou, c'est pas ça. Mundele, on arrive, on est pas ça. J'appelais les mille, un feu dans la plaza. Saka, saka, poulet, y'a ça. Tazine, on graille dans toutes les cultures. T'es dans le futur, j'suis à la casa. On aime le poulet, que chez le que tu. Fumé blunt, ta tailleur siège, paquet, claqué. Pas des seuls, tu pas au taquet. Paquet, m'garé. Paquet, paquet. Si je peux pas les saquer, Versace, Versace, Versace. C'est pas notre faute, c'est la drogue dans les sachets. Hey, où elle est si par ici, tout s'achète. Ils s'achètent des couilles, c'est pédé, faut que vous sachiez. Ouais. Rien à prouver quand je suis sûr de moi depuis. Je les ai foupérés qui parlent de moi, je les laisserai pas me remettre. Les... J'ai dû cacher du sale à faire, fuck leur loi. Casse des dix au refrain, au bar, au passe une garo que je roule sur le vide. J'attends pas que tu me tendes la main, encore moins que tu me suces la vie. J'ai la tricance qui plutôt dans la pas mal. Gros son quand je roule sur Paname. Bientôt au Bahamas, transant blunt posé. Chatch madame, la que passa. Ouais, mon dieu, que passa. Mundele, on arrive, on est pas ça. J'appelais les mille, le feu dans la plaza. Que passa. Ouais, mon dieu, que passa. On est venu raffoler la monnaie armée comme les soldats à Braza. Que passa. Ouais, mon dieu, que passa. Mundele, on arrive, on est pas ça. J'appelais les mille, le feu dans la plaza. Que passa. Ouais, mon dieu, que passa. Que passa. Ouais, mon dieu, que passa. Que passa. Ouais, mon dieu, que passa. Que passa. Bra bra, force à lui. Mon fermé, il est bosqué. À l'instant, bra bra, avec nous entre 20h et 21h dans Planète Rap sur Skyrock. Qui fait partie de l'équipe du Chegué Squad. Aussi, pareil, qui bosse sur son projet. Ouais, il bosse. Il bosse dur, c'est ce que je vous ai dit hier. Toujours pas ouvert de Twitter pour suivre, d'Instagram, Facebook pour l'instant pour suivre. Que FB pour l'instant. Que sur Facebook pour l'instant. Entre 20h et 21h, le live de Planète Rap avec Gradure. Vos messages, c'est le hashtag Gradure sur Skyrock. On continue. Ouais, on continue. Exo. Yes. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Vas-y, on t'écoute. C'est pour dédicace à tous les gens enfermés en fait, qui m'ont soutenu depuis maintenant. On les voit plus souvent avec moi maintenant, mais qui sont toujours présents. Tu vois, on m'entend pas trop souvent parce qu'on est gros. Pepperos, Tuki, Pepperos, Vivi. Je sais que vous m'entendez, y'a stock, y'a trop de blast, tous les petits vont le dire. Christo, je sais que tu m'entends. Ce soir, ville plein de fleurimo, libérer les Huxal de Bam. Hotman, Magic Khaled, Timalik, Wassim, on est tous ensemble, mes chégués. Hey, Schweitzer, je sais que vous êtes derrière. On est ensemble, mes chégués. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. L'inverse, vous êtes pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, t'es ma, tous mes rebelles négros pour sticher dans le bloc. On n'est pas tout seul. J'escorte un double poney dans un bête de fer. Fume de l'air, ça sort de perle, saveur de pilon sur les lèvres. Grosse prod que je rappe mon 16, grosse fesse que je crache mon sperme. Sortir l'argent du casino, cagoulé à l'arme de baby. 21, blackjack, verre de cognac, jack, j'baisse ta grognasse, clac, j'roule un grognac, grosse coupure, grosse fesse, grosse carte, les gars. J'guette la taille des fesses, ça guette la taille des jambes. J'bois mon verre de ponche, elle ouvre les jambes. Et j'insère mon jeton dans sa fente. Elle est gros, mais c'est la bila. Faut qu'elle embarque, elle est bila. Qui pense qu'elle nous met au placard. J'vous la glisse comme une banane, gars. Yacine fait d'eux. C'est de la frappe sur le pit que j'viens de livrer. Négro, en le plus que calibré. Animéré, animé. J'fais ça, on va t'allumer. Sa gueule, c'est la guerre. On va te fumer avant de tirer sur le calumet. Flow serveur mix pour les enrhumés. Dans mon secteur, c'est la guerre. On va te fumer avant de tirer sur le calumet. Flow serveur mix pour les enrhumés. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique. Négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. C'est moi. On n'est pas tout seul, pas tout seul. On n'est pas tout seul, on pas tout seul. Touche un membre de ma clique. Négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tous mes robes négros postichés dans le club, on n'est pas tout seul. X1 à 2, on les encule à sec, 0. Tu connais l'équipe à la graisse, X1 gradure pour le chien guéchette. Tu l'as vite surprise, qu'elle niquait la fête. Break dans la tête depuis le départ. Je suis la bête noire, tout bien cauchemar. Laisse pas ta soeur sortir ce soir. Laisse pas ta soeur sortir ce soir. Ouais, des rappeurs sont des femmes au foulet. Ouais, c'est à nous qui veulent tous ressembler. Ouais, c'est la rue, c'est ça qui est frère ou la crosse. Qui dépasse du jean, fils, mais pour la trousse. Voilà pour sympathiser, pas ta crosse. Tout doux et trop mal, baptisé. Pas de pause, j'ai pas fini de te dire. On t'a dit qu'il se fait péter. J'ai croisé la voici, c'est DJ. Ouais, c'est l'eau, ça t'a bien douillé. Reviens, Broly, que chercher. Reviens, Broly, que chercher. Comme le cas, ça m'a défouraillé. Tout dit pas, je vois que les gens changer. Ratata, on est vrai. On n'est pas tous, on n'est pas tous, on n'est pas tous, on n'est pas tous, touche un membre de ma clique, Nero, tu verras qu'on n'est pas tous, on n'est pas tous, on n'est pas tous, on n'est pas tous, on n'est pas tous, tous mes rebelles, les gros postichés, on n'est pas tous, ouais, NVRJ, Rasta 2-7, Nassim, Doumani, Fefel, BDB, tous mes gars, je vous oublie pas, Rasta. En léger. Je crois que vous l'avez compris, on n'est pas tout seul ce soir. Et depuis le début de semaine, à l'instant, XO en live avec Drain. Entre 20h et 21h dans Planète Rap, ce morceau, on n'est pas tout seul, pareil qu'on peut trouver. Hein. On peut aller cliquer. C'est du lourd, c'est du lourd. Sur internet, dans mon projet même, on le trouvera partout. À la XO à l'instant. Et avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette dans quelques minutes, je refinirai bien avec un petit Chege Squad. Chege Squad ? Chege Squad pour conclure. Non, Gradure. Vas-y. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Dédicace à ZKR. Tout kippé. Ouais, enfermé. Je sais que t'es posé à la pierre avec tes gars. Personne. Bien sûr. If she ain't fucking, she got to go. Tell her don't waste my time. The least wanna stop me, search my clothes. Tell him don't waste my time. If it ain't money, I ain't involved. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Oh non, non, non. Attends, mais pour baiser, yeah. Sur la route, tu peux en faire des dates. À 35 piges, tu vas pas dans le temps. Non, négro, c'est trop grave. C'est un scandale que tu peux parler d'âme. Je te rentrerai ma bite et calibre dans ton trou de bol. Bite et calibre dans ton trou de bol. Même tes piles, je sais qu'ils sont pas tailles. Putain, rejoins derrière par ma gauche. 9 mm à droite. Grosse ta sperma. Cette salope elle boite. Entrée avec mon famage la doigt. Barbeau qui vit dans son cul. Squash. Chaque fois t'as encore le pas cru en nous. Dis-leur c'est le Chege Squad. On va vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chege Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Chege Squad. Quand je me fais malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. Toujours présent pour les niquer sur le beat. Dis-leur c'est le Chege Squad. Ils veulent tout sucer notre beat. On est des killers, on va tout prier des gaz. Les négros sont pliés, veulent des billets. Donc faut débiter des kilogrammes. Ouais, c'est quoi les boys bâtards? Ta face de la décale ou je fais un drame. Bitch, tu gagnes ou t'es propre? Tu suis ou tu croques? T'assumes ou t'as fort? Bitch, Qatar, tu suis ou t'es score? Les corps, tu michetonnes. Salope, t'es trop conne. J'suis agent. Et ton café a des sous. Et tous ces fils de pute, je les pêche, j'parque mes patins. Et chaque fois, je vais les rendre fous. Dis-leur que je suis plus chaud que la brève. Les bâtards, on parle, on pas cru en nous. Dis-leur, c'est le Chege Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur c'est le Chege Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur c'est le Chege Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. Chege Squad. Dis-leur c'est le Chege Squad. sa monnaie comme un rapide. J'ai caché la bœuf dans le fût à Taragli. Ah, qui vient pas fumer sur mon paquet. Mais j'ai aidé son frère et demande à ta qui. Dis-je, dis-je, la peuf, meuf, en sachet. Faux chèque de banque, genre un gamin sous j'achète. Baveux et j'risque le parquet, c'est parfait. T'es pas prêt, regarde nous débouler en paquet. Ouais, mon gros short de tôle. Ouais, ouais, mon rebut, j'me refais, j'ai la gaule. Ma tasse dans la piole. Rafat, si tu me jettes un s'roule. Versatier, Versatier, Versatier, c'est pas notre faute. Y'a de la drogue dans des sachets. Ray, où elle est, si par ici, tout s'achète. Ils se rachètent des couilles, c'est pété, faut que vous le sachiez. Ces bâtards, on parle de quoi en nous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On vient vous retourner, on vient prendre vos sous. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. On va te brûler trop de terre, on met des coups. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. T'as voulu faire malin, tu t'es retrouvé dans le trou. Dis-leur que c'est le Shaggy Squad. Fuck it, she got to go. Yeah. Tell her don't waste my time. Police wanna stop me, search my clothes. Word. Tell him don't waste my time. Yeah, if it ain't money, I ain't involved. No. Tell him don't waste my time. Waste man ruffling down my phone. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. No, no, no. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Tell him don't waste my time. Le Shaggy Squad dans Planète Rap. Entre 20h et 21h dans Planète Rap. Merci à vous tous. Merci à Black Brut d'être passé aussi. XO. Les Shaggy sont dans la place. Merci à toi. Dans la place. Vous dire que maintenant le projet est terminé. Ouais. Clé. Marco. Marco dingue. Bail 2 à Nanterre. Tout équipé. On a bossé dessus. Et ça arrive. Ça arrive. Dans les mois qui viennent, suivez XO. Merci d'être passé en tout cas. Black Brut, pareil, il y a toujours l'album qui est dans les bacs depuis le mois d'avril. Qui est dans les bacs depuis le 21 avril. Il y a le clip Zorro qui est en ligne. Grosse dédicace à ma ville, Corbeil, dédicace à Bretigny, Marco Dingue, Cru, Cheikh Ahmed, Black D, Cheki, Ronnie Soubois, 93. Et merci à toi Fred, merci à Gradur. Et j'aimerais dire un petit mot Fred. Vas-y, vas-y. Parce qu'en ce moment il se passe des choses un peu bizarres chez nous à Corbeil. Oui, c'est vrai, j'ai suivi c'est juste un petit message que j'ai envie de passer aux gens. Nous, personne ne nous a empêchés d'aller à l'école, donc laissez nos enfants aller à l'école. Ça sert à rien de brûler des écoles. Voilà, il y a des écoles brûlées, oui, j'ai vu. C'est voilà, une école brûlée en même temps. Pas des problèmes, ouais, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais c'est la deuxième école qui brûle, et plus une bibliothèque, une médiathèque. C'est tout ce qui reste à notre jeunesse, donc nous en faisons pas ça. Voilà. Ça rien de brûler dans le quartier. Voilà, voilà. Voilà faut... Nanterre, Bail 2, Clopsy, Bassirou, Collier, on est ensemble, mon chéri Force. Message en tout cas. Kader, Hassan, Gradur, merci. Demain, on se retrouve entre 20 et 21. C'est cool, en pleine forme. Grosse force à toi. On a pas rappelé la date. Bataclan. Bataclan, c'est le 25 février. Pour vivre un peu l'ambiance. 25 février, voilà. Pour vivre l'ambiance qu'il y a dans Planète Rap. Il y aura tous mes Shaggy derrière. On n'est vraiment pas tout seul, je vous le dis. 5-9, du 9-3 jusqu'au 9-1, partout. On n'est pas tout seul, les gars. Shaggy Squad, Schweitzer, M59. Toutes les villes de Roubaix, toutes les villes de Lille, Tourcoing. On est tous ensemble, mes Shaggy. Force. Merci, on fait tourner la roulette. Du Conan. Balou, on est ensemble. Tournée événement de Soprano dans toute la France. Avec Jordi de La Rochelle, ça va bien, Jordi? Ça va. Prêt à faire tourner la roulette? Oui. Allez, on y va, mon pote. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Jordi, sur la case, c'est... Et ben voilà, c'est la tournée de Sopra pour toi. Deux places pour la tournée Cosmopolitani Tour. Il y a deux places, on t'envoie ça du côté de chez toi. C'est gentil, merci. Passe une bonne soirée. D'accord, je peux faire une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. La dédicace à ma mère et à ma sœur qui ont assez à manger. Eh bah, ben, on salue toute la famille là-bas en train d'écouter le son de Planète Rap et Jordi qui passe à l'antenne. Ciao Jordi. D'accord. On va retrouver D-Fool maintenant et toute l'équipe de la Radio Libre. Eh ouais, on est connecté. Dans cette ambiance irréelle. Salut, j'ai entendu ça, ouais. Merci Fredo, merci Gradure. Oui, bah je l'ai perdu. Ah, il est perdu. Allez, perdu dans la foule. Mais laisse tomber. Je te cache pas que je l'ai perdu. Ah, il est là, Gradure. Gradure. Il y a D-Fool qui vient de faire un petit coup. Il est en train de se noyer dans la foule, quoi. Hop, c'est bon, j'ai réussi à le récupérer. J'ai réussi à le récupérer. Voilà, il est là. Oh, D-Fool. Je vois que tu prépares. Oh, D-Fool, Karim, c'est comment? Ça va bien. Tu prépares le concert du 25 déjà? Ah, là, je prépare ça, je préparais ça dans les locaux déjà. Ah ouais, là c'est. Putain, t'as perdu ta voix un peu d'ailleurs là. Ouais, je suis fatigué là. Ça s'entend. Je dois enchaîner en plus avec les Trace Awards donc. On a droit à une avant-première ce soir. Voilà, une avant-première. Ouais, exactement. Force à vous en tout cas, D-Fool. Merci, bah, merci à toi. Bah, de rien, ouais, on se retrouve dans deux. Et demain, vous. Dans Planète Rap. Karim, t'es chaud, hein. Tu m'as ramené mes sacs. Tu buzz, hein. Parce que moi, ils ont tout pris. Je te ramène ça demain, je te jure. Je te ramène ça demain. Et lourd, hein. Toi, t'es Pierre Romano, Karim. Attends, moi, il m'a promis ça hier. Je te jure, je te ramène ça demain. Vas-y. Vas-y, force à toi, mon Chégué. On est ensemble. Merci, Gradure. Et demain, le retour 20h-21h pour Planète Rap. Parfait, un gros freestyle encore, comme d'habitude. Ah, bah, on sera là, 20h. Force à vous, on est ensemble. Et ben, force à vous aussi. Là, c'est parti pour la Radio Libre. Fredo, à demain. Demain. Bah oui, demain. 20h-21h, Planète Rap, 21h minuit, Radio Libre. Là, c'est parti dans un instant. Ah, on va geeker ce soir. Là. Ouais, on va geeker. Ouais. C'est une équipe de gamers. NBA basket, ouais. C'est NBA 2K15 qu'on va vous filer. NBA 2K15 d'ailleurs que je filerai aussi demain au Freestyler. En plus, par téléphone. Profitez bien. Et nous, ce soir, on va le tester en direct d'ici minuit. D'ici minuit, il va se passer plein de trucs. D'ailleurs, si vous voulez nous appeler dès maintenant, c'est parti. C'est toi qui va gagner des foules. Tu crois? Bah, bien sûr. J'ai fait du basket, moi. Je sais que tu as fait du basket. Non, mais c'est vrai, j'ai fait du basket. Dans le Bronx. Dans le Bronx. Exactement. Bon, bah, tout à l'heure, donc NBA 2K15. Ouais. 2K15, même, pour ceux qui. Pour les puristes. Et puis, bah, pour le reste, vous nous appelez dès maintenant si vous voulez passer dans l'émission, si vous avez un truc à dire. La Radio Libre, c'est avec vous. Et au 01 53 40 30 20, dès maintenant, sur SMS, sur le net, faites tout péter. On arrive tout de suite avec Chris Brown. On va démarrer avec Chris Brown. C'est Loyal pour démarrer cette soirée. À demain, Fredo. Ciao. Ciao.